les petites histoires de Tell Me. L'enfant masqué. Quand tu es enfant, tout est possible. Pour toi, c'est encore plus vrai que vrai. Dans ta chambre, tu as un mur tapissé de masques fabriqués par ton papa. Ils sont en papier parce que ton père les sculpte. Même qu'il les vend dans une galerie qui n'est pas sous terre. Le premier, il te l'a offert quand tu avais 3 ans. Avec ça, tu seras un vrai chevalier. Papa avait raison. Quand tu l'as enfilé, tout a changé. Le crayon dans ta main est devenu une épée. La feuille sur laquelle tu gribouillais, un bouclier. Ton bureau, un château fort. Le parquet, une vaste plaine avec un petit village formé par tes chaussures. Ton lit, un volcan. À son sommet, un monstre de feu menaçait la vallée. Lors de votre combat, ton masque s'est déchiré. D'un coup, la vraie vie est réapparue. Tu étais étalé par terre, les pieds emmêlés dans la couette. Papa te regardait avec un grand sourire. « Alors, c'est pas génial ?» Tu avais envie de lui répondre oui, mais tu as pleuré. Son cadeau était cassé. Papa t'a promis de t'en faire plein d'autres. Chaque jour, tu étais quelqu'un de différent. À la maternelle, c'était toi le roi. Tout le monde suivait tes aventures. Et puis, en CP, tu as entendu des murmures et des rires étouffés à la récré. Un matin, des enfants sont venus te voir. « T'es bizarre avec tes masques. Faut grandir, espèce de bizarre. » Parmi eux, il y avait Simon, ton ami. Tu as enfilé ton masque de ninja, mais on t'a poussé. Tu es tombé, les moqueries ont fusé. La cloche a sonné. Tu étais un minus, avec le droit de ne rien dire. À la sortie de l'école, dans le couloir, tu as pris le temps de ravaler ta journée. Quand tu l'as racontée, elle s'était super bien passée. Le lendemain, tu as regardé toutes tes vies accrochées au mur. Des larmes allaient couler, alors tu as ouvert les yeux en grand, comme une chouette, puis tu as cligné très fort pour les retenir. Après, tu es allé prendre ton petit déjeuner. Papa s'est aperçu que tu n'avais pas ton masque du jour. Alors tu as descendu cul sec ton verre de jus de pomme, il t'a fait froid à la tête, tu as dû attendre un petit peu avant de lui déclarer d'une voix sérieuse, les yeux un peu mouillés et le cœur pincé. « Je préfère être un élève comme les autres. » Sauf qu'en voyant les yeux tristes de papa, tu t'es dit que c'était peut-être une mauvaise idée. Alors tu t'es tortillé les doigts. Il s'est agenouillé devant toi et a plongé des yeux tout doux dans les tiens, comme à chaque fois qu'il avait une chose importante à te dire. Tu sais, tu n'as pas besoin d'un masque pour être un héros à l'école. Avant que tu n'aies pu répondre, il t'a serré fort dans ses bras. Un câlin qui t'a fait des frissons partout et fait battre fort ton cœur. Tu le lui as rendu en pleurant sans trop savoir pourquoi. La journée d'école a été trop bien. Tu as même retrouvé ton ami Simon. À la récré du matin, il était avec sa bande de nouveaux copains. Il avait l'air tout gris et un peu tracassé. Alors, avant de rentrer en classe, tu es allé le voir. Les autres t'ont regardé bizarrement. Raffi la brute a même voulu t'arrêter, mais tu l'as stoppé d'un regard. Tu as demandé à Simon comment il allait. Il a regardé ses chaussures. Avec une toute petite voix, il t'a demandé où était ton masque du jour. Tu lui as expliqué. Un peu fier de toi. D'un coup, il a levé la tête. Son visage était si triste. Mais pourquoi? Ce n'est pas ce qu'il voulait. Au lieu de lui demander, tu leur as proposé, à lui et à sa bande, de venir chez toi après la classe, pour jouer avec tes masques. Un sourire s'est accroché jusque derrière les oreilles de Simon. Les autres sont restés immobiles, l'air bête à cligner des yeux, sauf un, Marc. Il a eu un mouvement de recul et s'est cassé la figure. Les autres sont partis en courant. Tu l'as aidé à se relever. Peut-être que c'est ça, être un héros à l'école. Après, avec Simon, vous avez sorti vos yeux mignons et vos plus belles dents pour demander à vos parents si vous pouviez jouer chez toi. Ils ont accepté, ça vous a épaté. Alors qu'ils s'installaient dans le salon, vous vous êtes précipité dans ta chambre. Simon est resté planté une éternité de secondes devant ton mur d'aventure. Ses yeux pétillaient d'envie. Tu as enfilé un masque de dragon, lui, un masque de chevalier d'émeraude. À l'aide d'un tas de coussins et de livres, vous avez fabriqué une forteresse. Personne n'a gagné parce que vos parents sont rentrés dans la chambre en bazar. Ton père a éclaté d'un rire plein de soleil, la maman de Simon était un peu gênée mais pas fâchée. Le lendemain, alors que tu parlais avec Simon de votre super bataille, Marc est venu vous voir. Il se trifouillait les cheveux en cherchant ses mots. Tu lui as proposé de venir chez toi avec Simon après l'école. Il est reparti tout léger. Ton papa a été le meilleur des papas, parce qu'il a accepté que tout le monde vienne. Devant ton mur, Marc a poussé un cri de surprise si fort que ton cœur a failli s'arrêter. Vous avez formé un trio, T-Rex, lion, éléphant, pour protéger la forêt de méchants robots qui voulaient tout polluer. Après cette aventure, ta chambre est devenue une attraction. Tous les enfants voulaient contempler ton mur de possibilités, parcourir des contrées inexplorées. Et c'est comme ça que des masques se mirent à fleurir dans toutes les familles. C'était une petite histoire de Tell Me. Écrite par Mathieu Jonel et racontée par Arnaud Guillou. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, plus d'histoires à lire sur telming.com. T-A-L-E-M-I-N-G.com. À la semaine prochaine.